الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال مجاهد رحمه الله المفسر المشهور أي اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله سبخس قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سنغض من الله سبحانه وتعالى المؤمن يدوى أبليك هذا الأمر وهو وقاية النفس والأهل والأولاد من النار أي المؤمن il a des responsabilités. Ça peut être un père de famille, ça peut être un imam, ça peut être un savant, ça peut être un gouverneur. À la kulli hal, il doit assumer ses responsabilités et tout faire pour préserver ces muslimines qui sont sous sa responsabilité minan nar. L'imam Mujahid rahimahullah, il nous montre أن هذه الوقاية comment tu fais pour les préserver بإذن الله عز وجل قال وأوصوا أهليكم بتقوى الله أي tu leur enseignes tu leur transmets تقوى الله وتقوى الله معروفة appliquer les ordres qui sont dans le Coran et la Sunna sincèrement pour Allah عز وجل et s'écarter des interdits qui sont dans le Kitab et la Sunna pour Allah عز وجل وقال قتادة رحمه الله يأمرهم بطاعة الله أي يأمر أهله وأولاده بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله وأن يقوم عليهم بأمر الله il enseigne, il transmet à sa famille, à sa femme, à ses enfants طاعة الله عز وجل قال يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به أي il pratique, il applique شريعة الإسلام على من تحت رعايته من أهله أو من أهل وأولاد وغير ذلك قال قتادة رحمه الله ويساعدهم عليه أي يساعد avec sa famille على هذا مساعدة تعاون وقال إمام المفسرين ابن جرير عليه رحمة الله في تفسيره فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير صحيح وصية نصيحة من إمام فعلينا أي on doit tous en tant que مؤمن نعلم أولادنا donner du temps à l'éducation de nos enfants قال نعلم أولادنا الدين والخير et cette éducation elle est fondée sur le din l'iman et elle est fondée sur le khayr tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ils nous ont montré que c'est khayr هذا on l'enseigne à nos enfants بإذن الله عز وجل c'est à quoi tu les retrouves في تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير فنعمة الولد نعمة من نعم الله عز وجل العظام le fait d'avoir des enfants c'est une ni'ma azima كم من الناس ils ont été privés et Allah il a une hikma ربما واحد il a une maladie il peut pas avoir d'enfants واحد il peut pas se marier أو غير ذلك من الأسباب فأيها المسلم أيها المؤمن الله سبحانه وتعالى il t'a donné cette ni'ma فيجب عليك الشكر. Tu dois préserver هذه النعمة. Et tu dois être reconnaissant envers Allah عز وجل. الشكر أي الشكر هذه النعمة كذلك العناية بها والاجتهاد في حفظها. Tu dois tout faire, ce qui est en tes moyens. Des moyens mashrou' bien sûr, pour préserver هذه النعمة. نعمة الولد. فالمسؤولية العظيمة. Et والله المسؤولية العظيمة جدا. C'est une grosse responsabilité. أيها الأب أيتها الأم المسؤولية الكبيرة. فهؤلاء الأطفال c'est une أمانة عندك. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. C'est Allah qui te les a donnés. C'est une أمانة. Tu dois observer les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala في هؤلاء الأطفال. Ils ont un حق. C'est des masakines, c'est des du'afa. الطفل l'enfant il ne peut pas décider lui-même est-ce que cette chose c'est bien, c'est mal. C'est un enfant. فالمسؤولية elle est sur les épaules du père et de la mère. وفي هذا الزمان حصل من كثير من الآباء التقصير والتفريط في تربية الأولاد. يا تقصير كبير يا تفريط عظيم في تربية الأبناء. بل للأسف الشديد c'est pas qu'un تقصير أو un تفريط فقط. بل بعض الآباء والأمهات يتسببون في إضرار أبنائهم. بعض الآباء الآن c'est la cause directement أنهم يفعلون du mal à leur enfant. Lui-même c'est le père ou c'est la mère هو يتسبب في ضرر ولده. قد يكون بغير قصد. ربما يفعل du mal à son enfant sans le vouloir. لكن l'ignorance الجهل. وللأسف كذلك أن هذا الأب أو هذه الأم هذا الأب قد يظن أنه يحسن صنعه. Et ça, c'est من المصائب. Alors, بعض الناس, ils veulent faire du bien à leurs enfants. Ils aiment son enfant. لكن à cause de son ignorance. وكذلك مكر الكفار ومحاربة أهل البدع والضلال sans se rendre compte, lui-même, il fait du mal à son enfant. وفي هذا اليوم, نذكر مثلا واحدا. Aujourd'hui, بإذن الله عز وجل, on va traiter un exemple, فقط. De ce qu'on a cité, وقع فيه كثير من الآباء. أي هذا النقص وهذا القصور بل الإضرار على الولد كثير من الآباء في هذا الزمان ils sont touchés par هذا. Et l'exemple qu'on va traiter نحن اليوم c'est مدارس الكفار. C'est une نصيحة للأمة وكذلك تبرئة للذمة. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من شاء من عباده. وهي بعنوان تحذير المسلمين من مدارس الكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد. أولا اعلم ووفقك الله لكل خير أن الكفار لا يريدون لك الخير لا لك ولا لأبنائك ولا للمسلمين. Si on arrive à comprendre ce point, بإذن الله عز وجل, ça nous facilitera beaucoup de choses. لأن تتعجب أن بعض المسلمين ils ont un حسن الظن pour le كافر, il n'est pas à sa place, أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا كلام الله عز وجل. الكافر كسواء مشرك أو يهودي أو نصراني أو ناتي الله سبحانه وتعالى nous a montré ما يود أي il veut pas de bien. المودة c'est l'amour. أي il aime pas pour toi ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا الكافر المجرم المشرك il veut pas qu'un bien il te touche أيها المسلم. وتأمل قوله من خير إلى نكرة. En langue arabe تستفيد أنه جميع الخير que ce soit un petit خير un grand خير un خير qui te touche toi ou ta famille ou tes enfants. ما يحب ذلك لك أو ما يحب ذلك لك. وقال عز وجل والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها المؤمن تدبر القرآن. الله سبحانه وتعالى il nous a informé l'an بهذا. فكمو أنت en tant que père de famille, en tant que responsable, مثلا tu vas placer ton enfant chez هذا العدو. الله سبحانه وتعالى أخبرك il te veut aucun bien. Comment أنت tu vas placer ton enfant chez cette personne que Allah ton créateur et ton ma'boud ta'bouduh bihaq tu vas placer ton enfant chez هذا العدو. حقيقة c'est un taqsir في العقيدة لأن celui qui a une عقيدة صحيحة قوية أن هذا الكافر le déteste الله et c'est un ennemi أبدا je vais emmener mon enfant chez mon ennemi أبدا أبدا والله بعض الآباء ربما il laisse pas son enfant il serre la main à une personne qui l'a critiqué des أمور في الدنيا أمور بسيطة في الدنيا il veut plus que son enfant il regarde cette personne et il parle plus de lui il lui serre plus la main il lui fait la hajra total ربما c'est un مسلم et ربما ils ont un problème في الدنيا لأنه في هذا الحال il a été touché il veut pas que son enfant il soit touché فلماذا avec les écoles on applique pas هذا لا ça تقصير بالعقيدة وقال جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا deuxième verset أيها المؤمن تأمل قال عز وجل ولا يزالون أولا ستمونتر que le combat et cette haine des kuffars envers les mu'minin elle est mustamirra ولا يزالون depuis l'époque du prophète sallam bel avant Moussa Isa Ibrahim jusqu'à Nuh al kuffar ils les ont combattus قال عز وجل ولا يزالون et depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui jusqu'à أن يشاء الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم le but c'est quoi قال عز وجل حتى يردوكم عن دينكم le but c'est que tu délaisses ta religion أيها المؤمن le but c'est que tu deviennes comme eux أيها المؤمن ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قال عز وجل حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا قوله إن استطاعوا أنهم ils vont essayer لكن ça veut pas dire qu'ils vont réussir أبدا celui qui préserve son dîn il préserve ses enfants et يجاهد في سبيل الله il apprend son dîn et il s'écarte du char فبإذن الله عز وجل ما يستطيعون احفظ الله يحفظك أخي الكريم المسألة لخطيرة المسألة لعظيمة inscrire ton enfant dans une école de kuffar et l'emmener dans cette école c'est pas بالأمر الهين السهل أبدا c'est une مسألة لمتعلقة بالعقيدة تصور أنت الآن أن هؤلاء أنت تلي دتست eux ils te détestent أنت ton but si tu pourrais c'est tu les appelles à l'islam eux leur but ils t'appellent au kufr الآن هل يتصور شخص كعقل et كدين de inscrire مجرد une inscription فقط même si tu les emmènes pas d'inscrire tes enfants عند هؤلاء un ennemi واضح الله سبحانه وتعالى il t'a clarifié ses objectifs في القرآن on a lu quelques versets لكن ça arrive avec la faiblesse de la foi elle descend كذلك une mauvaise compréhension de l'aqidah كذلك l'attirance de dunya ربما des sommes d'argent ou des profits de dunya فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الجميع تأمل la parole de l'imam العلامة الشيخ سعدي رحمه الله يقول فهؤلاء الآباء الآن il va parler de ses parents qu'ils ont un aqs كبير في أولادهم قال فهؤلاء الآباء الذين وضعوا أولادهم في المدارس الأجنبية حقيقة الشيخ سعدي الآن il parle de مدارس qui sont في بلاد المسلمين لأن الكفار ils ont combattu al-muslimin par deux méthodes, par deux moyens. À l'époque, la colonisation, comme tu sais. C'était pas par le moyen de l'enseignement, là, c'était les armes. Et ils rentraient dans la bilad musulmane et ils tuaient, ils faisaient de l'injustice. Et leur but, c'était de récupérer, de prendre ce bilad. Al-An, les kuffars, ils ont employé la deuxième méthode depuis des décennies. Et c'est dans chaque bilad musulmane, ils instaurent des écoles à eux. Matalan au Liban, en Syrie, au Maghreb, en Afrique, en Asie, ils placent des écoles à eux, des écoles américaines, des écoles françaises, des écoles anglaises, et ils ont une da'wah. Al-An, Cheikh Saadi parle de ha'oula. T'es dans un pays musulman, Fais attention de ne pas emmener ton enfant عند هؤلاء. أما عند الكفار فالمصيبة أكبر لأنها تشيز. Et t'as plus le choix. Les annahum, ils t'imposent. Amma vu les musulmans, ils ne peuvent pas t'imposer. Cheikh Saadi, vous allez voir. Anna al-Kalam, il est. Ils pourront le ressentir comme dur. Là, c'est un imam. Il veut ton bien. C'est le nasiha qui veut. Tu veux, tu prends, c'est pour toi. Tu prends pas, tu auras des comptes à rendre au Qiyam. Et Houa, rahimahullah, sa responsabilité, il l'a assumé, il l'a montré. Fal'an, c'est madaris al-ajnabiya. C'est fait bilad les musulmans. Mais nous, là, on est dans une autre moussiba. Ils sont chez les kuffars. Il est touché par les madaris, c'est autre chose. قال الشيخ سعدي وضعوا أولادهم في المدارس الأجنبية قال هؤلاء قد خسروا دينهم ودنياهم الشيخ سعدي il est clair هؤلاء ils ont perdu leur dîn et leur dunya لأن كيف cet être que t'aimes tant tu lui veux du bien كيف tu vas l'emmener chez أعداء الله ils vont lui changer sa aqida ils vont lui changer son comportement Rubbama, il renie l'islam, il renie le rasoul, il renie tout. Et c'est un tas avec tes propres mains, tu l'emmènes. Qala al-Sheikh Sa'adi, qad khasiru dinahum wa dunyahum. Wa qal, wa la budd an yajidu ba'd jaza'im fi dunya qabla al-akhira. Sahih. Anna à cause de leur tafrid et de leur naqs, Rubbama Allah subhanahu wa ta'ala, il est puni fi dunya. Wa hada, tu le vois. Hada, il tombe malade, hada, il est même sous, hada, il tombe dans des dettes, hada, il est en prison, hada, il est. Tout ça. Rubbama al-Sabab, c'est hada. Et autres. Les ma'asi en général. Et parmi les ma'asi, cette ma'asiya al-kabira, c'est le kabira. Qala fawailun lahum min al-jihatayn. L'ouaïd, c'est le malheur. Des deux côtés, vu le dunya ou vu l'akhira, il est vu, fi dhayq. Qala wailun lahum mimma ahmalouhum wa dhayyouhum min ulum al-din wa من علوم الدين وأخلاقه وأعماله ويل من جنايتهم الكبرى إذا وضعوهم بين يدي أعداء الدين يلقون عليهم ما يريدون حتى أخرجوهم من الدين شيخ سعدي دي ويل لهم ces enfants مسلمين والله العلماء كالشيخ سعدي وغيره ils espèrent en cette génération que ça devient des ulama des talabat al-ilm ils propagent الدين des mujahideen يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر c'est eux la غلاب C'est cette génération la relève. Al-Sheikh Saadi Al-An, il se plaint à Haoula, qu'est-ce qu'ils ont fait, ses parents, et les emmènent chez les ennemis de l'islam. Pour qu'ils lui apprennent les lettres A, B, C, D. T'es pas capable d'apprendre des lettres à tes enfants. Allah, ils lui apprennent rien. Ça va finir, ils dansent et ils dessinent. C'est ça le ricol. Qala, فما ظنك بطفل أو ضعيف البصيرة إذا سلمه أهله ووضعوه بين يدي معلم قد علمت عداوته للدين وحرصه الشديد إلى الدعوة إلى مذهبه وإلحاده الآن si tu te poses ta question ça va être quoi le résultat cet enfant innocent مسكين هو c'est un enfant il sait pas والله tu le mets au masjid يفرح tu le mets à l'école chez les kuffars يفرح ما يدري هو son but Il est content, il sort de la maison, il joue avec des autres enfants. C'est un mesquin. Le Cheikh Saadi Al-An, il dit, Mabalouk, cet innocent, ce mesquin, tu le mets chez les ennemis d'Allah. Qu'est-ce qu'ils vont en faire 8 heures. Wallahi, tata'adjab. Le cœur de ce père ou de cette mère, ils posent leurs enfants 8 heures. Wallahi, ba'dahum, hatta manger, il vient plus. Il l'inscrit à la cantine. Hatta manger, il n'y a plus de rahma. Il le laisse avec les kuffars. Al-Kafir, il ne va jamais dire à ton enfant « Sammillah wa kul biyaminik abtan » Wallah, il va le har même dans ça. Il va le har même dans ça. Et il est moqué des autres. Rubbama wahid, il va manger avec des fourchettes et des couteaux. Ton enfant musulman, tu l'as élevé, il mange de la main droite. Toute la salle, il se moque de lui. Wallah, tu lui fais du mal. قال الشيخ سعدي وحرصه الشديد إلى الدعوة إلى مذهبه وإلحاده لأن الآن أنت أيها الأب أيتها الأم vous devez réfléchir et vous devez voir loin ce professeur الآن c'est un kafir c'est ça l'asr في بلاد الكفر c'est que c'est des kuffars même si c'est un professeur musulman il est avec eux تأثر بهم فالآن ce professeur il est une دعوة c'est un chrétien ربما c'est un juif ربما c'est un démocrate un laïc il est une دعوة Et il va essayer de la propager, le da'wah. La cible de sa da'wah, c'est ton enfant. Enfin, t'as pris ton enfant, tu l'as mis comme cible, et les kuffars, ils l'attaquent. Al-Amr, il est khatir. Tout ça, Il a une excuse. Ma femme, elle est fatiguée, elle ne peut pas s'occuper des enfants. Khalas, ta femme, elle est fatiguée, t'envoies tes enfants chez les koufars, ils en finissent. Wallahi, si ta femme, elle est fatiguée, il y a plusieurs méthodes. Kaif, là, la méthode, madame, elle reste et les enfants, ils vont aller dans le koufar. Badoum, ils ont une autre chose. Il y a des pressions. Sahih, il y a des pressions. Lakin, la méthode, c'est d'envoyer tes enfants chez les koufars. Et ils en finissent. Il y a une autre solution. Tu fais les SBAB et tu quittes ce pays. Et tu préserves ta famille. Pardon, ils ont une autre excuse. Il y a une somme d'argent. Si tu inscris tes enfants, ils te donnent telle somme. T'as veillé à tes enfants, ces êtres que tu aimes tant pour quelques euros. Assalallahu alayhi wa sallam. هذا الكلام من الشيخ سعدي رحمه الله في نصيحة له نصيحة طيبة مختصرة في الحث على التمسك بالدين والتحذير من المدارس الأجنبية لأن رسالة إيمي أن غارد كونت سيز إيكول رحمه الله قال المستشرق جب مستشرق تعلمون سان كافر Il étudie l'islam. Il étudie tout ce qui est lié avec l'Orient, al-Sharq. Ils l'ont appelé Mustashrib. Khasatan l'islam. Et c'est un kafir. Il étudie l'islam pour combattre l'islam. Pas pour qu'il profite. قال هذا المجرم قال لقد استطاع نشاطنا التعليمي والثقافي عن طريق المدارس العصرية والصحافة أن يترك في المسلمين ولو من غير وعي منهم أثرا يجعلهم في مظهرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد هذا العدو يدي أن les efforts qu'ils ont fait le kuffar et il a cité deux cas les écoles et as-suhuf les médias il a dit le résultat c'est que beaucoup de ces musulmans ils ont perdu leur dîn et c'est ça leur but ما بالك un adulte والله un adulte avec le kuffar ربما il est attiré et il dévie à cause de ses koufars, à cause de leur pensée. Ah ben look cet enfant mesquin. Un enfant, un chocolat, un bonbon, et khalas, mesquin. وقال آخر un autre مستشرق لقد أدى البرهان إلى أن التعليم أثمن وسيلة استغلها المبشرون الأمريكيون. Ils ont compris, أعداء الله, أن la meilleure solution pour eux, c'est plus d'attaquer avec les armes. Et en réalité, la colonisation maintenant qu'ils ont fait, ils sont mis les musulmans à dos. Hatta un enfant, il détestait les koufars. Quand ce qu'on vient, il nous attaque chez nous, on n'a rien fait. Et il nous tue, il nous... La méthode, elle a changé. En réalité, ils emploient trois choses. Les écoles, les médias et les hôpitaux. C'est leur da'wah, elle est basée sur ça. Vous avez remarqué dans certains pays, avec des mots associés, maintenant le pays, ils ont du mal, ils meurent de faim, Obama, ils ont des maladies. Koufar, ils viennent avec un hôpital, ils leur donnent à manger. Ça va donner quoi? Les gens, ils vont les aimer, ils viennent m'aider. La da'wah, elle a changé. Et ça reste muharaba l'islam. لكن أكثر الناس لا يعلمون قال لقد أدى البرهان إلى أن التعليم أثمن وسيلة استغلها المبشرون الأمريكيون إذا أبل سأل مبشر أي فيان يتعلمون سأل النوفل سأل كافر سأل مشرك لكن إذا أبل سأل مبشرون أي يتخصمت النصرانية قال في سعيهم لتنصير سوريا ولبنان لا سيغي يلو ليبان سي دو سيبل de Haoula. Beaucoup d'écoles, comme Akal, Al-Ta'lim, et ça fait 30 ans, 40 ans que ça dure, Al-An va au Liban, Tata'adjab. Tata'adjab, il y a des Nansara partout. Alors que le Liban, c'est une bilad de Sham. C'est une bilad de Muslimin à la base. Lakin, qaddar Allah, wa ma sha'a fa'al. Fahakada, yaqul, a'da Allah, a'azza wa jam. A'da Allah wa rasulih. Hakada, c'est ça leur objectif. Nahnu, on te cite tout ça, ayyuhal mu'min, ayyuhal muslim, tantabih li waladik. C'est pas simple. Tu poses ton enfant et tu te reposes. C'est pas hakada. Khasatan, si cet enfant, il a des traces de l'islam. Il parle un peu arabe, il mange la main droite, il dit bismillah. Khasatan, hadha al-walad. Ils vont le combattre à shatt al-harb. Liana, pour eux, cet enfant, c'est un futur intégriste, terroriste, salafiste, ila akhir. Hadha ibn al-harb. Attaqillah fi nafsik. Aide ton enfant. Aide-le. Saide-le. Yom Qiyamah, tu auras des comptes. Wallah, Yom Qiyamah, si cet enfant est grandi et il s'est égaré, yukhasimuk indallah azza wa jal. Mais là, c'est pas la cause. Il pourra se défendre. Annahu, moi, mon père, il m'a emmené chez les koufars, il m'a jamais montré le haqq. Fa, mada sa taqoul? Aïna al-mafar? قال عز وجل وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الآن نسيت نحن quelques paroles de ces كفار. قال عز وجل وما تخفي صدورهم أكبر. Ce qu'il y a dans leur poitrine, c'est pire. Al-An, ces témoignages qui sont répandus, c'est certaines choses. Wallah, amma, le makr et le bord qu'ils ont, il est akbar et achat. Wallah, on n'a jamais vu nahnu. Ahad, min ha'oula el kuffar, ils emmènent leurs enfants inda ulama al-sunna, ou dans un marquise de la sunna, ou dans un masjid, ou chez un frère. On n'a jamais vu ça. T'as déjà vu un tahad? Un kafir, il emmène son enfant, il dit aux muslimines, je vous laisse la journée, occupez-vous-en. Eh ben, wallah, il l'élève depuis qu'il est petit. S'il voit un musulman, il aurait d'autres. Alors qu'ils sont vus le bâtel. Mais on n'a jamais vu un kafir, il emmène son enfant chez un musulman. Eh ben, eh ben. Même quand ils vont en vacances dans certains pays musulmans, ils les écartent de l'islam. Nahno, masakin, certains musulmans, son enfant, toute la semaine, pendant 8 heures, il l'emmène chez Adoullah. Amma salaf, rahimahumullah, ils ont préservé leurs nefs et leurs enfants avec at-tamassuk bid-din. Abadan al-salaf, ils emmènent leurs enfants chez les koufars. Abadan. C'est ça que la cause, génération après génération, le din il nous est parvenu. Les gens, ils ont éduqué leurs enfants à l'islam. Hatta cette génération, elle a grandi et elle a propagé l'islam. Amma nahnu, haqiqa takhaf. Des milliers, rubbama des centaines de milliers de muslimis, des enfants qui sont à l'école. عند الكفار أو عند أهل البدع والضلال. الآن أنت سأفادني كوا سا جينيراسيون سأفادني كوا وربما دي لايك دي ديموكرات دي مبتدعة صلى الله العافية. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه المدارس العالمية في كتاب طيب يبارل دو سوجي لزيكول خاصة سيزيكول كريتيان كي سامبلونت دون دي بي مسلمين pour faire دعوة يمي أو قاعد contre هذا. قال ولو لم يكن من مساوئهم يعني المدارس الأجنبية الكافر الآن يموت سي le seul mal de ces écoles de kuffar. قال ça serait إلا تقليب النظر من أولاد المسلمين في وجوه الكافرين من المدرسين والإداريين والتلاميذ. S'il n'y aurait que ce mal, يكفي c'est très dangereux et tu n'as pas le droit d'inscrire ton enfant dans cette école. Ton enfant, il regarde un kafir. L'enfant, il est impressionné par son modèle. Pour lui, c'est un modèle. C'est toi qui l'as emmené, donc c'est qu'il est bien. C'est ça l'enfant, il réfléchit à Hakada. Mon père, ma mère, ils m'ont inscrit dans cette école, c'est que c'est pour mon bien. Hakada l'enfant. Automatiquement, il pense ça. Anta, tu l'emmènes pour qu'il profite de ce modèle. C'est pour ça que tu l'as inscrit. Al-An, c'est un kafir. Ah, aussi, c'est un mubtadi'. Ton enfant, c'est comme une éponge. Il va tout absorber. Tout absorber. Il ne connaît pas haq, batil, bid'a, sunna, tawhid, shirk. C'est un enfant, mais il arrive à ça. Enfin, le fait qu'il observe ce professeur toute la journée, Obama, il va avoir une admiration, un amour. Cet enfant, il s'égare. Il grandit avec mahabbat les kuffar. Un jour, toi, tu vas venir, tu vas lui dire, c'est des kuffar, il ne faut pas les aimer. Il va dire, là, mon professeur, il était kada wa kada. Qala wa rahimallahu l'imam Ahmed. Ça, c'est la parole de Sheikh Bakr. Qala wa rahimallahu l'imam Ahmed. Fakana idha nadara ila nasrani ghamada aynayhi. هذا سان إمام دل السنة. هذا إلى يتألف عند المحدثين والأئمة en Irak. C'est devenu imam أهل السنة والجماعة. Tout un pays contre lui, un gouvernement contre lui, il a patienté. Il y a une éducation solide. هذا الإمام رحمه الله quand il voyait un chrétien, il ferme les yeux. Il ne peut pas le regarder. Marra, ils lui ont demandé, « Aba Abdillah, qu'est-ce qui se passe ?»« Les mains, dès que tu vois Foulane, tu fermes les yeux, tu tournes la tête. »« Qala rahimahullah, la aqdir an anzur ila man iftara ala Allah kadib wa kadab alayhi. »« La aqdir an anzur ila man iftara ala Allah wa kadab alayhi. » Il a dit, « Je ne peux pas regarder cette personne, il a menti sur Allah. » Il prétend que Allah, il a un fils. Chouf, al-aqid. Ton enfant, tous les jours, 8 heures, il admire ce mujrim, ce kafir. Ça va être quoi le résultat ? هذه المدارس, مدارس الكفار, que ça soit في بلاد الكفر ou dans un pays musulman, il y a des conséquences très très graves pour l'enfant. ومن أخطر هذه المفاسد, c'est تغيير العقيدة. C'est que sa عقيدة elle bascule. Et sa fitra elle bascule. Il va être éduqué sur des pensées. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la démocratie. Enfin, cet enfant, il grandira et il n'aura plus cette aqida solide. Illa yasha Allah. Illa yasha Allah, il apprend din al-ilm al-shar'i et il est guidé bi-idhnillah. Amma al-ast, c'est qu'il est à la khatar. قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تأمل قوله تتبع ملتهم سنغلبتو الملة سي فوندي سور ان عقيده سور دي ادوراسيون فا ils seront pas satisfaits de toi et de ton enfant ايها المسلم حتى vous les suivez dans tout, tu deviens nasrani comme lui في هذا الحال et te rapprochera. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الحديث المهم. النبي صلى الله عليه وسلم يتمتر que chaque enfant Allah سبحانه وتعالى il a créé على الفطرة أي على الإسلام. Chaque enfant qui naît. Si cet enfant مثلا il est pris en charge et éduqué على الإسلام وعلى التوحيد وعلى السنة il acceptera très facilement. لأن son cœur il accepte. لكن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré أن il y a des choses qui peuvent changer cette فطرة. Les parents. فأبواه يهودان. Ses parents ils vont l'appeler, maintenant c'est des juifs, ils vont lui montrer la religion juive et il va les suivre. Ou autre que les parents, un professeur maintenant, il peut changer la fitra d'un enfant. Il lui montre des choses, il lui montre des choses, l'enfant il le suit. فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. فأيها الأب أيتها الأم, ne soyez pas le sebab de l'égarement de votre propre enfant. Moi j'aime l'islam, je lui montre l'islam, lakin tu l'as inscrit chez des ennemis de l'islam. Enfin, ne te contredis pas. Kaif, t'aimes l'islam, tu détestes le kuffar. Cette personne que t'aimes tant, tu l'inscris chez les kuffar. Il y a un khalal, il y a un problème là-haut quelque part. قال أبو إسحاق الدياني رحمه الله قال لا تعلموا أولادكم إلا عند الرجل الحسن الدين. Ça c'est une nasiha. Ne confie pas ton enfant pour l'éducation qu'à une personne qui a un din sahih, un sunni. Al-mubtadi' il va lui faire du mal. Al-kafir, hadith ou la haraj. Qala, fadinu sabi ala din mu'allimih. La religion de l'enfant, elle est par rapport à son professeur. Tu le poses, cet enfant chez un rafidi, ça deviendra un rafidi. Chez un yahoudi, un yahoudi. Chez un sunni, ou hakad. L'enfant, il ne connaît pas. L'enfant, maintenant tu l'as inscrit dans cette école, c'est pour qu'il profite. L'enfant il connaît pas, je vais là-bas, on va percevoir des aides et je fais rien là. Il va arriver là-bas, ouais. Au Rubama, il va avoir un ijtihad plus que certains enfants de kuffar. Au Rubama. Wa qala laqad araftu mu'alliman kana yukhfi al-qawl bi khalq al-Qur'an. Ta'ammal cette histoire qu'il a vécue cet imam. Il connaissait un homme, il l'appelait à cette da'wa. C'est un jahm, khalq al-Qur'an. Aïe, il disait que le Qur'an il est makhlouq. Qala. فلما فطن به واشتهر امره عوقب واخر عن التعليم. On a à l'époque des salaf là, ils acceptent pas hein. Quand ils ont su qu'il avait cette da'wa jahmiya, ils l'ont mis à l'écart. Eux ils savaient pas, ils cachaient quoi hada. Ça te montre que le muallim il peut avoir un fikr battal et une aqida khatira et il la cache. Et dès qu'il y a plus personne, il se retrouve avec les enfants et il les appelle à hada. Fa kayf ayyuha al-ab, 8 heures, tu laisses ton enfant et tu sais pas ce qui se passe. Inda kafir, une institution de kuffar, elle est fondée sur la laïcité et la démocratie. Kayf hada. Qala fawqiba aw fawqaba bayna yaday as-subyan al-maktab wa qala lis-subyani ma taqulun fi al-Qur'an. Aduwallah al-khabith, il a voulu se venger. Il a été mis à l'écart, il a été renvoyé. Il n'a pas accepté. Marra, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti rencontrer tous ses enfants à la sortie du maktab. Maktab à l'époque, c'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui les écoles. Il est parti à la sortie. Rome, ils avaient un lien avec lui, c'est leur professeur. C'est des enfants. Ils sont venus et il leur a dit, mes enfants, qu'est-ce que vous pensez du Coran? Ils lui ont dit, on ne sait pas. Il leur a dit, qala huwa makhluq. Il leur a dit, le Coran, il est makhluq. Al-an, Rome, c'est leur professeur. Rubama, ils ont de la pitié. Pourquoi ils ont renvoyé notre professeur? Al-an, il leur fait une dernière nasiha qui va les égarer. Qala لن تزالوا على هذا القول ولو قتلتم ثم هرب. Il leur a dit, attention, ne délaissez jamais ce قول, même si vous faites tuer. Et il s'est enfui, il les a laissés. قال أبو إسحاق رحمه الله فبلغني عنهم أنهم ماتوا كلهم يعتقدون هذا القول. الإمام أبو إسحاق يقول والله l'information n'est pas venue, tous ses enfants ils sont morts à la qawl al-jahmiyya. Il les a égarés. L'enfant il a de l'amour pour son professeur. Wallahi, Rabbaba, des enfants, ils respectent plus le professeur que le père. Al-amr il est khatir. Ça c'est à l'époque des salaf. Et dans un pays musulman, il y a des a'imma. C'est un mubtadi, un jahmi, un kafir. Kafir cette da'wa. Ma baluk, عند اليهود والنصارى. والآن في فرنسا مثلا, en France, ils ont décidé de propager dans tous les programmes ce qu'ils appellent la charte de la laïcité. On l'a vu, elle est manchoura, c'est une affiche, et il y a des articles. C'est une ligne de conduite pour tous les enfants par rapport à la laïcité. Vous allez voir qu'il y a du kufr wadih. Cette charte de la laïcité, vous allez voir que chaque élève qui est dans les écoles françaises, il doit appliquer hada. C'est du kufr wadih. Le slogan, c'est, ils ont un slogan, la nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Ah, les valeurs du kufr. Si t'inscris, tu places ton enfant, il est touché. Léana, ton enfant, c'est un élève parmi les élèves. La nation confie à l'école, à cette da'wah, de faire propager aux élèves. Ils sont clairs. Chaque élève, il doit être touché. Les valeurs de la République. Mais nous, on veut faire partager à nos enfants les valeurs du tawhid, les valeurs de la sunna, les valeurs de nos imams. C'est ça qu'on veut. Sahih. Mais cette da'wah, elle est khatira. Écoute-le. Un des articles, l'article numéro 3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Ton enfant, il est dans cette école, il est libre. Liberté de conscience. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Ils vont enseigner à ton enfant. Ils vont lui montrer un tabé, t'as le choix. Si tu veux être musulman, t'es musulman. Mais c'est des kidnappes. Leur but, c'est que ce ne soit pas un musulman. Et si tu veux ne pas être un musulman, t'as le choix. Et c'est là qu'ils vont appuyer. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Maintenant, on va suivre le kalam Rabbina, Azza wa Jal, al-Ghafur al-Rahim, ou on va suivre le kalam a'da'uhu al-mujrimin. On va suivre qui là. Un autre article, numéro 4, yaqul, la laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous. Ils vont apprendre ton enfant à hada. Tu dis pas fulan c'est un mujrim, fulan c'est un yahoudi, fulan c'est un nasrani, fulan c'est un kafir. Là, vous êtes tous égaux, vous êtes tous des frères et vous devez vous aimer. Hada, ils vont lui apprendre hada. Attends, cet enfant il va venir le soir, tu vas essayer de lui expliquer aqidat al-sunnah, ça va pas aller. Aqidat al-sunnah elle est fondée sur le wala ou le bara. Aimer pour Allah, détester pour Allah. La laïcité elle est fondée, t'aimes tout le monde. Comment tu vas faire? Tu vas dérégler cet enfant, miskin. Sahih, tu vas le dérégler, il faut savoir. On est avec aqidat al-salaf ou aqidat al-kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul afanaj'alu al-muslimin kal-mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. C'est kalam Allah. Est-ce que al-muslim ou al-mujrim sont égaux? Ma lakum kayfa tahkumun. Allah subhanahu wa ta'ala hakada yaqul ma lakum, qu'est-ce qui vous arrive? Ma lakum kayfa tahkumun. Fa kayf anta ayyuha al-ab, ton enfant tu le pousses عند هؤلاء. Parmi les articles كذلك, et il est khatir هذا جدا, l'article numéro 6, يقولون, elle protège les enfants de tout prosélytisme. Le prosélytisme c'est da'wah. قال, et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. Ils vont montrer à cet enfant un tabé la da'wah de tes parents. Tu choisis. Anta, tu vas tout faire pour faire da'wah à ton enfant, tu lui veux le khayr, tu l'appelles al-jannah. Ils disent là, tu dois faire attention des pressions, ils appellent ça des pressions. Ils savent très bien que c'est les muslimines. Tous ces articles, wallah, wabillah, que c'est les muslimines qui sont visés. Nasara al-Yahoud, ils ont plus de dîmes. Seul un qui vont appeler, qui vont, c'est les muslimines. Les al-Kufar, ils savent que certains parents, ils ont encore un minimum. Ils vont essayer de montrer. Al-An, ils sont en train de finir l'élève. Hatta cette da'wah que tes parents vont te faire, n'écoute pas, choisis ce que tu veux. C'est pour ça que l'enfant il vient de l'école, il n'écoute plus personne. Il a été éduqué à la hala. Vous avez vu les écoles qu'ils ont été, les générations qu'ils ont été dans les écoles de Koufa. Ça a fini entre bandits, délinquants, vendeurs de drogue. Ils ne respectent plus personne. Maintenant, il a été fondé sur ça, tu fais ce que tu veux. L'article numéro 10. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité. Ils se motivent entre eux. Tous les personnels, ربما لا فام دو ميناج كي دون ستيكول ربما elle va appeler à هذا ما بالك لو ديريكتور لي بروفيسور لي ceux qui gardent ceux qui tous ils doivent s'entraider via هذا cet enfant مسكين il est tout seul au milieu de هؤلاء. L'article numéro 12. Les enseignants sont laïcs. On fait une nasiha à ceux qui travaillent dans les écoles de kuffar. Entabeh, tu ne perds pas ton dîn pour quelques euros. Les enseignants, ils doivent être à la hada. Si tu rentres dans le système de l'école française, tu dois être à la hada. Même si, au fond de toi, tu dis là, je suis un musulman. Entabeh. Le musulman, il doit rejeter le kuffar. Il doit rejeter le tarot. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. La laïcité, c'est un tarot. Enfin, en tant que professeur, je ne peux pas travailler dans ces écoles. فَاتَّقِ اللَّهَ أَخِي. Travailler dans ces écoles, c'est khatir. C'est khatir. لِأَنَّ même s'il y a du kuffar, tu es obligé de montrer un tata, un musulman. Si tu te tais, c'est khatir du tout. Les enseignants sont laïcs. Aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Ils montrent l'an. Anna, un tata inscrit ton enfant, demain tu viens pas dire pourquoi vous avez appris à mon enfant Adana. Ils t'ont mis des règles. La laïcité, on a le droit d'enseigner ce qu'on veut, même l'homosexualité. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. Mathalan, ce professeur, c'est un cavre, il va appeler à certaines choses, ربما l'homosexualité. La laïcité, ils ont le droit de traiter tous les sujets. Anta, t'as pas le droit de venir étudier. Mon enfant, vous lui parlez pas d'homosexualité, c'est un musulman là. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Allah nous met en garde. Attention de ne pas délaisser la voie du prophète صلى الله عليه وسلم. Vous allez tomber dans le fitna ou dans l'adab. هؤلاء الكفار ils disent là, on traite tous les sujets. C'est en accord avec Dina ou sans désaccord. Un autre article, nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. Chef à la mosquée. Pas le droit. Maintenant, une fille, je mets ta fille à l'école, elle a 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, il faut qu'elle mette le hijab. Quand c'est arrivé à partir de 10 ans, à partir de 7 ans, 8 ans, il faut qu'elle mette le hijab. Cette fille, elle n'a pas le droit de porter son hijab en prétendant être musulmane. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer à l'école de la République. Là, à l'école, ils ont interdit le hijab. Tu n'as pas le droit de dire là. Tu les inscris avec tout ça. Ils ne veulent pas de toi. Ils te disent pas. On ne veut pas de toi. Ils viennent. Les barrières et les obstacles qu'ils mettent. Tu n'as pas à te plaindre. Ils ont mis leurs règles. Laisse-les avec leurs règles. Et trouve-toi un pays musulman, une école où qu'ils en prennent l'aqidah ou le tawhid. Mais là, tu fais deux à contre Haoula. Amma, tu vas et tu t'inscris au milieu d'eux. Touma, tu veux t'imposer. Abedan. Les gens, ils se plaignent. Ils ne laissent pas ma fille porter le hijab. Ya akhi, va pas chez eux. Laisse ta fille chez toi. Tu peux pas, change de pays. Le dernier article, j'ai résumé. Les articles, il y en a plusieurs. Nous, on a pris quelques articles clairs. Les derniers articles, par leur réflexion et leur activité, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. Ils sont clairs. Ton enfant, tu l'as mis, il va vivre et il va partager avec nous ce coffre. Et là, il est dans le système. الله يدي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هؤلاء يقولون ton enfant il s'entraide avec eux في الكفر. ما بالك un enfant là, il vient et dit la laïcité c'est du kufr. خلاص c'est le musiba عندهم. Il ne dira pas ça, ils vont l'éduquer hum. Toi tu vas lui dire la laïcité c'est le kufr, eux ils vont lui montrer que c'est bien. Tu ne sais pas il va pencher où. قال شيخ العثيمين عليه رحمة الله إن من المؤسف أنه يوجد فكرة مضلة كافرة. Cheikh Ibn Taymiyyah, un, il se plaint d'un fikr qui est propagé dans les écoles. Un, Cheikh Ibn Taymiyyah, il n'a pas lu cette charte de la laïcité. Un fikr, regardez comme il va mettre en garde. Un, قال وهي, c'est quoi ce fikr, cette pensée? أن الآدميين نشأوا من قرد لا من طين. La théorie de Darwin. أن l'être humain il vient d'un singe. Il vient pas de Allah, il l'a pas créé من طين. Il vient du singe. Cheikh Al-Taymin, à son époque, c'était propagé à ça. قال ثم تطور الأمر بهم حتى صاروا على هذا الوصف. Un singe, ثم génération après génération c'est devenu un être humain. C'est خطير هذا. Est-ce que c'est propagé dans les écoles? Là chaque fois la règle. Dans certaines écoles vous avez déjà vu, il y a le grand poster. Un singe, il leur donne des noms. ثم il commence à se mettre debout hakada hakada hatta c'est un être humain. L'enfant jour toute la journée il voit cette image, elle rentre dans son cœur. Elle rentre dans son cœur, il est élevé بهذا. قال الشيخ ابن تيميه قال وهذا القول لا شك انه كفر هو التكذيب صريح للقران صحيح. Allah subhanahu wa ta'ala montre انه il a créé Adam min tin. هؤلاء ils disent là il vient du singe. Il démonte le Coran. قال فيجب علينا ان ننكره انكارا بالغا وان لا نقره في كتب المدارس. Cheikh Ibn Taymiyyah dit on doit combattre cette pensée et on ne doit pas laisser cette pensée rentrer dans nos écoles, dans nos programmes. Ah mais les kuffar, comment tu vas faire? C'est leurs écoles. Ah, il ne te reste plus qu'à tu t'écartes. قال ومن زعم هذه الفطره يقال له. Celui qui prétend la théorie de Darwin, tu lui réponds بل انت قرد في صوره انسان. Si tu veux, t'es un singe sous forme d'être humain. Ama nahnu on est des êtres humains, Allah il nous akram bi aql wa din. Hada. Ama dis pas ça dans les écoles françaises, ça t'attaque. Les écoles françaises, sauve-toi. Ama tu viens et tu veux harav tout le monde, tu te feras que du mal. T'es tout seul. Une institution en face de toi. Cheikh Ibn Taymiyyah al-An, il parle dès que al-shawkala les musulmans, et il y a une quwwa. Ama fi hal al-dha'f, la personne, il yuhajir fi sabilillah. Ce kalam, Cheikh Ibn Taymiyyah, il est fi sharh kitab tawhid. Fal-hadar, al-hadar, ayyuhal ab, ayyatuhal umm. Attention, attention. La mas'ala est khatira. Al-walad, yata'athar jiddan. L'enfant, on a dit, c'est comme une éponge. T'as remarqué, il y a un ikhwan, ils éduquent leurs enfants à la sunna. Walillahi alhamd. Il laisse une journée son enfant sortir, une journée. Il va dans la rue avec certains mujrim, il revient, il insulte, il parle mal, il n'écoute plus, une journée. Mabalouk, la maternelle jusqu'à 18 ans. Chez le kuffar. À 18 ans, tu vas trouver, Allah alam ce que tu vas trouver. Est-ce que c'est un muslim ou un kafir? Ah, la question que tu te poseras. Et prends pas le risque, les nazis, c'est un kafir, t'as une partie de la responsabilité. Ils ont propagé une qissa mashhoura. N'a'lam bi sihhatiha. Lakin, ça arrive, hada ou akthar, anna une mère, elle a placé son enfant dans une école de kuffar, et cet enfant, muslim, parmi les muslimines, lakin, il est tombé sur une mudarrisa, parmi les ennemis d'Allah Azza wa Jal. Elle leur a fait un jeu. Est-ce que t'aimes le prophète Mohammed ou t'aimes Jésus? Isa. Chauffe à la Makkah. Apparemment, c'est une da'wa qu'elle faisait, c'est une nasraniya, al-khabitha. Elle leur disait, celui qui aime Isa, Jésus, pour elle, vous devez fermer les yeux, et dès qu'ils ouvrent les yeux, si t'aimes Isa, il y a plein de chocolat. Elle leur a posé la question, fermez les yeux. Fermez les yeux, tous les enfants ferment les yeux. Si vous aimez Isa, enfin, ouvrez les yeux, ils ouvrent tous les yeux, il y a plein de chocolat. Masha'Allah, les enfants, khalas. Tumma, fermez les yeux. Est-ce que vous aimez Mohammed? Ouvrez les yeux, il n'y a rien. Cheval à makr. Une mère de famille, elle a appelé Al-Lajnaf Saoudia et elle pose cette question. Et c'est pas bari. L'enfant, il est rentré le soir. Cet enfant musulman, il a assisté à ça. Il est rentré le soir, il a dit à sa mère, Ya Ummi, je déteste Mohammed. La mère, elle l'a appelé, elle lui a dit Mohammed qui? Elle s'attendait à Mohammed, un de ses amis. Il lui a dit Mohammed, ce Rasoul, je le déteste. Khalas, le danger. C'est un enfant, là. Si grandit à la hadith al-aqida, c'est khatir. Kaif, un musulman, il déteste le prophète Mohammed. C'est quoi la cause? Une khabitha. Un jeu, l'enfant, il a basculé. Rabbama, ça fait des années. Il aimait le prophète Mohammed, sa mère, elle lui lisait la biographie. Un jeu, elle a tout cassé, al-khabitha. Elle n'était pas à l'abri. Kadhalik. Ils ont fait un sondage en Allemagne. Yanchurun hada. Allah alayhi wa sallam. Nous on rapporte et ça arrive. Ça arrive. Bel achad min hada. Ils ont fait un sondage en Allemagne. Les enfants des musulmans, 9%, ils avaient une aqidah que Isa c'est le fils d'Allah. 9%. Ces enfants qui vont dans les écoles. 9%. 9 élèves sur 100, Isa il dit c'est le fils d'Allah. Alors que c'est un musulman. C'est les écoles. Qala Cheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah. Il va citer une histoire semblable à ce qu'on a vu. قال كان مدرس في المدارس في بيروت, بيروت la capitale du Liban. قال يسأل الطلاب في صباح كل يوم هل أنت بنعمة الله مسيحي. Tous les matins quand ils viennent, Il y a des musulmans, des chrétiens, c'est mélangé le Liban, comme tu sais. Tous les matins, est-ce que هل أنت بنعمة الله مسيحي؟ Est-ce que tu es un مسيحي؟ Ce qu'ils appellent مسيحي, chrétien. فيجيبوا نعم. Les élèves, ils répondent نعم. وفي يوم أجابوا جميعهم بذلك إلا مسلما. Un jour, un musulman, il s'est rebellé. ولله الحمد. Il a dit là. Là, je suis un musulman, je ne suis pas un مسيحي. فناله من الغضب والأذى ما ناله وما زال المدرس به حتى أجاب بقولهم نعم. Marra, il s'est rebellé, ce musulman, il a dit là. Le mudarris, il l'a affiché devant tout le monde. Et il l'a humilié, hatta ce musulman. Il a quel âge? Un adolescent, un enfant. Il a fondu et il a dit na'am. Na'am, je suis un messie. Sauf ala dhalal wa inhiraf. Fa al-mu'amara li kubra ya jama'a. Al-mu'amara, mu'amara, c'est le combat contre l'islam, il est kabir. Wa al-makr, il est azim. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Essentiel, la personne il fait les asbab, ولا يضرون. أما mettre son enfant à l'école, والله c'est pas un sabab. والله, dans les pays musulmans, fais attention. Pays musulmans, c'est des musulmans, il y a des écoles, évite. Évite, sauvia, ou ash'ira, ou des bid'a, des khurafat, ou tashabbuh bil kuffar, évite, laisse-le chez toi. ما بالك عند اليهود والنصارى. أما السلف, on recite un autre exemple pour comparer. الإمام معمر رحمه الله يقول كان ابن طاووس طاووس بن كيسان son fils ابن طاووس الإمام جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم مرة ابن طاووس الإمام il est assis avec son enfant un معتزلي vient lui parler فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذني وقال لابنه أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. شوف على تربية. Est-ce que tu تصور طاووس أو ابن طاووس il va emmener son enfant chez des kuffars pendant 8 heures? أبدا. Il est assis في المسجد. Un معتزلي vient, il veut lui parler. Il veut faire دعوه, il veut lui parler, كلام. Dès que ابن طاووس l'a vu, il a mis ses deux doigts dans ses oreilles et il a dit à son fils fais pareil et serre très fort. حتى يبار. Mu'tazil, il est venu pendant une minute, il part, il est parti, et les deux, ils ont préservé leur cœur. Pourtant, c'est un imam, il a le qudra de répondre. Lakin, il pense à son enfant. Ma ba'alouk ibn Taouz, hada, tu lui dis, il y a des musulmans, ils emmènent leurs enfants chez des juifs et des chrétiens pendant 8 heures. Et tu lui expliques le système de la laïcité. Qala ma'mar, rahimahullah, après ce atar, ya'ni inna al-qalb da'if. Ibn Taouz, il sait que le cœur de la personne, il est faible. Enfin, préserve. Amma, en emmenant ton enfant chez les kuffars, wallah, tu ne l'as pas préservé. Abadan. Ben, on peut se poser la question, est-ce que tu l'aimes vraiment? Après tout ça, est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, ne te contredis pas. Si tu as une faiblesse, pose-toi des questions. Fais des efforts, cherche la solution. Alain, tu as un problème. Tu es éprouvé, ton enfant, tu n'arrives pas à l'enlever, à le désinscrire. Cherche les solutions. Cherche, demande aux gens de la sunna, demande aux gens de science, fais deux A. Tout d'abord, il faut ressentir le problème. Comment, Inch'Allah, on trouve des solutions? Si je ne mets pas mon enfant dans les écoles, ça y est, ils ont ce cas-là. Si je ne mets pas mon enfant, ça y est. Si je le laisse dans la rue, ça va devenir un délinquant, ça va devenir. Qui c'est qui t'a dit de le laisser dans la rue? Occupe-toi-en. Bardanas, ils cherchent la faiblesse dans les autres, alors que la faiblesse, elle vient de lui. Bardanas, ils ont Hagada. Si je ne mets pas mon enfant dans les écoles, il va se faire influencer par Flon. Non, il est influencé par toi, il reste avec toi. Et tu lui donnes du temps à cet enfant. Toi, avec sa mère, mais idnillah, il est à la khayr. Et si tu as peur vraiment pour lui, tu choisis un endroit chez les gens de la Sunna, mais idnillah, tu vas le préserver. Amma, cette excuse-là. Il a peur pour son enfant, maintenant, de la délinquance, qu'il traîne dans la rue, il l'emmène chez les Yahoud ou les Nasara, et il lui détruit sa aqida. C'est une solution, Hadi. Kadalik, l'autre shubha, on l'a cité. Anna, la mère, il faut qu'elle se repose. Pourquoi tu as fait des enfants? Là, tu te reposes et tu patientes et t'assouvir à la hadal walet. L'enfant, il ne sait pas. Amma, tu te reposes pour que l'enfant, il va chez les juifs et les chrétiens, là, il est juif. Tout ça, en haqiqa, ça demande de taqwa. Celui qui a de taqwa, bien idnillah, il comprendra. Celui qui a une faiblesse, il yajtahid et il fait ad-du'a. Et on conclut cette kalima avec la parole du prophète, alayhi salatu salam. Fi sahihayn, qal, ma min abd yastar'ih illahu ra'iyatan. Chaque serviteur, Allah il lui donne une responsabilité. Matalan, Allah il te donne un enfant. Tu es devenu un père. Tu as la responsabilité du père. Qala alayhi salatu salam, falam yahutha binusrih. أي cette أمانة الآن مثلا cet enfant il le protège pas, il le conseille pas. قال عليه الصلاة والسلام لم يرح رائحة الجنة. Il sentira pas l'odeur du paradis. الحديث اللي متفق عليه. فالأمر اللي خطير. الدنيا لزائلة. Dunia, demain ton enfant il va mourir, demain toi tu vas mourir. Un accident, une maladie, le temps il passe vite, tu vas mourir. Enfin, n'oublie pas hadith. Le but c'est que toi tu rentres fil Jannah avec ta femme, avec tes enfants, avec ta famille. C'est ça le but. Amma dunia sahl. Wal akhiratu khayrun wa abqa. تنبيه أن ما ذكر من الخطورة في تلك المدارس الأجنبية الكفرية لفساد كونسيت العقيدة وفي حرب الإسلام والمسلمين c'est pas خاص pour المدرسة elle-même. هذا مهم لأن ce qui est dangereux c'est le فكر c'est la دعوة qu'elle soit dans une مدرسة qu'elle soit dans une association, qu'elle soit dans un foyer, qu'elle soit aïna makan. Hadi da'wa ila al-ilmaniya wa al-demokratiya wa afkar al-gharb, elles sont khatira jiddan pour le walad wa pour ghayr. Falihada ma yaf'aluhu ba'd al-aba annahu mathalan il inscrit pas son enfant dans ses écoles, lakin il suit le même programme fi baytihi wa fi ghayri et il passe le même diplôme que هذا مظنة الانحراف والزيغ والضلال سواء à l'école أو في بيته فمثلا cette charte qu'on a lu de la laïcité s'il l'étudie أو il a مجرد une lecture chez lui قد يزيغ بسببها s'il pense que c'est le حق هذا c'est pas خاص pour المدرسة الفكر اللي خطير فلي parents ينتبهون فلهذا في تلك الكلمة أو في هذه الكلمة on n'a pas cité les autres ma'asi. قد يقول قائل vous avez pas cité الاختلاط و التشبه بالكفار في اللباس والغناء la musique و وهذه الأمور لأن si la personne il comprend الأمر الخطير في العقيدة فبإذن الله سيجتنب il va éviter ses ma'asi كذلك. أما أنت تصور لو ces مدارس il n'y a plus de mixité. Il n'y a pas de soir, des représentations d'êtres humains. Il n'y a pas de musique. Tout ce ma'asil al. Lakin il y a ce fikr. Ça reste haram. Ça reste haram. Et c'est du kufr billah azza wa jal, hada al-fikr. Tassawar anta al-an une madrasa. Ils apprennent aqidat al-tawhid, matalan. Lakin ils ont des ma'asil. La mixité, kada, kada. Ça reste des muslimis. Avec le char qu'ils ont, fi hadi al-ma'asil. Bali hada nahnu ta'ammadna. On n'a pas cité ce ma'asi. Aïe, on a traité le point le plus important. Al-fasad fil aqida. Wa la'alla Allah subhanahu wa ta'ala yassir bi kalima qui met en garde contre al-ma'asi fi tilka al-madaris. Fa hadha alladhi aradna. Fa al-inaya al-inaya bil awlad wa al-ijtihad fi at-tarbiya. الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى والإنسان يكثر من الدعاء كذلك سواكي الله سبحانه وتعالى إلى فاسيليتي يبلاس بالو زونفو في تلك المدارس البطالة يا الله سبحانه وتعالى يوا فاسيليتي ا سونفو اون ايديوكاسيون على السنة يحمد الله يحمد الله عز وجل توصاص بتوفيق الله له سو النعمة يجب عليه الشكر والاستمرار في الخير هذا والله تعالى أعلم. Celui qui va approfondir le sujet أكثر يراجع كتاب المدارس العالمية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كذلك الشيخ مقبل إلى ديكاسيت في هذا parle des écoles yéménites هو الشيخ مقبل parle des écoles yéménites. Il y a ربما un peu de mixité, ربما de la musique, ربما il met le pantalon, ربما il met en garde les écoles de Yémenit. Mais le Yémen, c'est un bilat khir kathir. Ma balouk, عند الكفار. Les cassettes de Mokbil, elles s'appellent Tahdir al-Daris. Min fitnat al-Madaris. كذلك, le livre de notre frère Abdallah al-Jahdari, وفقه الله il a un livre طيب. Tahdir al-Madaris, Tahdir ou Tahdir al-Daris, min mukhalafat al-Madaris. Il le vend ici, c'est un livre طيب. Et nous, en fait, on a résumé de ce livre. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه وفضله أن يحفظ أبناء المسلمين من مكر الكفار وكيد الفجار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.